société à l'antique et l'édition du résultat de la société canadienne du cancer. Soyez solidaires membres de la sécurité publique et venez dans vos défis du résultat policier contre le cancer à vos états membres du Canada. Vous pourrez assister à la nature de la Ligue de la Fusion de la Nature du Québec, régionaire de Montréal, la frontière et Tigre de Victoriaville. Depuis 10 ans au Québec, policier contre le cancer a permis d'avancer des centaines de milliers de dollars. Pour vous inscrire, pour faire un don pour plus de temps, visitez le www.policiercontrelecancer.ca. Fabuleux. Merci beaucoup à Dani Daniel Badrien, la bonne femme de Sherbrooke en Estrie, au Québec. On a studio aujourd'hui quand même pas mal de monde. Quand même, Étienne Ferroger-Boudieu. Et voilà. Est-ce qu'il y a une thématique aussi à ta narration d'aujourd'hui? Une thématique, oui, c'est assez important. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est soir, le plus grand de l'année, c'est bon. Excellent. C'est bon. C'est ma femme qui a converti au bouton pour parler de l'organisme que nous aimons. Elle a aussi un problème de mettre un peu de bagarre. Elle a pu voyager, si tu veux, juste entre Étienne Ferrand et Bruno Cardin. Donc, elle a fait le professeur. Mais la vie d'arrière, c'est vrai. C'est une bonne chose. Elle a fait le professeur. C'est vrai. C'est vrai. c'est bon aussi. Puis là, ben, en fait, tu m'as amené un disque, j'aimerais ça que tu me présentes le premier bout de l'audio que tu avais, c'est ça? Oui, ben, en fait, c'est un peu parce que c'est un peu le c'est un Thank you. Je pense que je vais m'acheter un bon appartement. Ça, je fais des choses du monde encore. J'enseigne justement à l'école nationale de l'humour aussi. Je joue avec un grand café. Les auteurs du dimanche ont recommencé des là-dessus aussi. C'est bien perdu dans la France. Ben oui. Ça, c'est un cabaret littéraire qui a été démarré par Martin Petit à une époque que c'est pas la voix. Là, c'est rendu qu'il nous a donné le moment de s'occuper de ça. Puis Martin Petit vient encore de lire le texte. En fait, c'est l'occasion de. Il y a d'autres choses que les gens et les autres. Ah, okay, ça, ouais. Ça fait des on donne un thème, les gens partent là-dessus, mais vraiment des discours. Moi, je pense que ça donne un bon rendu parce que, après avoir vu un petit peu des moments choisis rapides un petit peu partout, je dirais qu'il y a quand même une sincérité qui ressort d'à peu près tout ce que j'ai pu voir de Mario Bélanger, qui est assez touchante et surprenante dans le niveau des humoristes parce que d'habitude, l'humour, c'est comme rendu être mesquin ou être meilleur, mais c'est ça, on n'a pas retrouvé ça. Mettons, c'est une clip que tu sors dehors et tu regardes le gars qui est en train de klaxonner en arrière et disant, c'est. Tu sais, c'est de l'humour, mais c'est de l'humour de situation sincère que la personne. C'est ce qu'on voit là. En fait, si c'est des coups, c'est pas moi qui parle du scénario, par exemple. Ah, ça, c'est une autre question. C'est quelqu'un d'autre, sauf que ça fait vraiment bien avec moi, parce que c'est le genre d'affaires que j'aime faire. Dans le sens que, tu sais, c'est du pain sans rire, c'est du. C'est de l'humour aussi, dans le sens que c'est pas non plus, on se parle de rire, tu sais. Mais donc, je trouve que c'est des concepts vraiment fun, et je suis fier de. C'est ça, c'est que je savais le concept un peu, tout ça. J'ai fait mon audition auquel il n'y a pas de comédien. Puis là, ils m'ont dit, OK, ben, on va avoir un record, on a une nouvelle qu'on va voir. Ils m'ont revu. Parlant de compagnie qui a accepté, comment tu es venu au courant que Douteux.ca existait? Ah, ben ça, c'est parce que, tiens, comment il avait beau rien. OK. Puis, je suis passé au café de la Poticade, il y avait une affiche, Douteux, tout ça, puis je me suis dit, en fait, C'est la fois qu'on avait rencontré Richard Denis. Ça m'intéresse, cette affaire-là, parce que moi, je suis plus assez con, mais à l'époque, je suis assez con. Comme ça, comme on a eu tantôt. Et puis, non, mais les affaires que j'ai apportées à soi, c'est vraiment ça a donné le corps. Là. OK, OK. C'est une exclusivité. Ben, c'est ça, mais donc, je regarde ça, je me dis, c'est genre des trucs que j'aime, puis des affaires, c'est là, c'est là que j'ai fait dans l'église. Et voilà. Puis, comment tu as mon bébé? J'adore ça, vraiment. J'aime aussi le concept du bouton, dans le sens qu'on se pose des questions en disant, ça a-tu la bouille? Pourquoi ça a été fait? En même temps, ce que j'aime aussi du concept du coup, c'est que, moi, je le vois comme ça, avec ma femme, mais aussi, on laisse la chance. C'est pas juste déterminer le bain, tu sais, là. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a pris du temps de faire ça. C'est même si c'est des décors en carton, puis tu sais, vraiment, tu sais, il fait ça pareil, tu sais. Moi-même, quand je faisais le métier, mon film, c'est quoi, tu sais, j'ai vraiment respect, tu sais. D'ailleurs, la première trompée que j'ai faite, c'est quoi, j'ai mis une espèce de petit paragraphe pour dire. Moi, je fais juste un petit peu aux autres, qu'est-ce qui existe, puis fais ce que je veux avec. C'est d'abord, je dis, ah, ça, c'est une poche en mode. Justement, c'est Steve George qui parle là. Je pense qu'on va te transférer tranquillement vers ta première chronique, ce que tu as dit, mon gars. Sûrement en fait, si Marion est assez quoi pour présenter des chansons spéciales, on a peut-être l'autre avatar du mouvement qui est juste. Thank you. si Wikipédia apprend des affaires, oui, mais c'est vrai. Plus qu'on en mange, plus que c'est bon. La gourmandise, la plus devise, la qualité c'est assuré. Les confitures, la marmelade, ne cèdent en rien aux tartinades. Les marinades, les cornichons et l'ail des bois. Piémont d'Aura, trois fois Aura. C'est dans le sac. Sur la plage, mais ça s'en va. vous jalousie. Ouais. Ça fait longtemps. Pour permettre qu'on essaie de digérer ça, moi, je pense que je vais me mettre une affaire que ça fait longtemps que je veux réécouter. Qu'est-ce que t'en dis, toi? On va revenir plus tard. Ça. En fait, c'est sur la trame sonore de Chambre en ville. Vous allez entendre Pete et Lola qui parlent de leur enfant à venir. Et ensuite, il va y avoir une chanson. Et ensuite, on va remettre mon trip à l'intérieur et on va revenir à 70%. Faites comme Jean-Pierre, si vous voulez tous en faire une vidéo. Vous avez déjà ça écouté. Merci beaucoup. On revient à 70% avec des extraits du film de ce soir. Chez sa lune, de faire du tourisme des étoiles. Ou qu'il rêve que les départs vont devenir des hommes, puis qu'il fasse son monde, parce que sa vie, c'est à lui. Quel amour, ça fait pas mal, quand tu sais le pas TV. Qui va faire un beau voyage. Hey, Vic, l'orage va s'arrêter à l'an 2000. Que la violence, c'est rien qu'un manque d'amour, puis que de l'amour, il y en a encore pour lui. Il peut rêver qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein? Tout le monde, mais surtout. Il y en a une pour lui. Que dans la vie, il y en a qui voyagent en première, puis d'autres en classe touriste, mais que s'il veut, il va arriver en même temps que les autres. La vie, elle te fait un test. Ou bien tu passes, puis tu fais ton temps, ou bien tu craches. Et nous autres, on va être fiers de lui. On va l'aimer, hein? Même quand il va faire des free games. Puis, même quand il ne voudra plus de nous autres. Je veux qu'il sache que lui, c'est lui, puis que c'est ça qui est beau. On va pas lâcher avec tous nos problèmes comme mon père m'a fait. Hein. On va lui dire, tu fais ta vie, puis regarde pas en arrière. Même quand il va trouver que la vie, c'est laid des fois, nous autres, on va lui dire, ta vie, c'est ta vie. Regarde pas celle des autres. Rêver, c'est pas mentir, ça. C'est juste se donner une chance. Ce que j'ai le plus beau dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Toi, puis le flot que tu me fais comme un cadeau. Je t'aime beaucoup. Thank you. Bruno Tardin à la nouvelle. Je me suis fait prendre par surprise. Andy Susanto, 31 ans, a accepté une compensation de 5 millions de roupies, à peu près 100 piastres, de la compagnie indonésienne qui fabrique sa marque de cigarettes après que Mendel ait explosé dans sa bouche. L'homme a perdu 6 de ses dents suite à cet événement. La police enquête sur la cause de l'explosion et la compagnie affirme attendre les résultats de l'enquête avant d'envisager effectuer un rappel. Susanto avoue qu'il tenterait d'arrêter ce film. Face brûlée, là. Ça s'est explosé. Ça n'a pas tout le temps. Ça, ben, non, c'est ça, ils disent que c'est un moment très étrange. C'est ça. Ça a coûté la compagnie. Vas-y, le gouvernement, suivant la décision de la Cour suprême américaine de permettre aux entreprises le droit à la libre expression, en déterminant que de dépenser de l'argent pour des fins politiques est une forme d'expression, une compagnie a décidé de détruire l'un comme les autres en étant la première à se présenter comme candidat au Congrès. C'est fait déjà, ça a pris une semaine. Donc, comme forme de contestation, en fait, la compagnie Mayhew Incorporated, une forme de relations publiques libérales, a annoncé qu'elle se présentait aux primaires républicaines dans le 8e district du Maryland. Bonne chance! Ah, non, ben, c'est vrai que ce serait une bonne leçon d'humilité. Tu viens de parler pitié, toi, là. Tu vas nous parler de l'univers de Malamou. Ben oui, c'est une petite tranche de vie, comme ça. D'Israël la semaine passée, là, le bœuf est tard, hein, trois quarts de bœuf. Parce que si ça avait été la force, je me serais dit ce moment-là à sauter sur le Seigneur Roy, les acheteurs d'Europe ont payé les 100 000 dollars qu'ils vous avaient promis, comprenez-vous. Comprenez-vous. Comprenez-vous. Parce que c'est un latino, là. Les Américains ont trouvé que notre dernière livraison était folle. Ils en voudraient une autre rapidement. Ils sont prêts à mettre n'importe quel prix du moment qu'on fasse les plus vite possible. Ok, Peter. Une bonne affaire. Téléphone pour le dire de préparer l'argent. Enfin, voyons les organes immédiatement. Ensuite, Monsieur Roy, nous avons reçu un appel téléphonique d'Américains intéressés par notre business. J'aimerais en savoir un peu plus long sur ce que nous pouvons leur offrir. Ils ont ajouté que la question du prix n'était pas un problème. C'est intéressant. Bien. Tom? Oui, Monsieur Roy? Occupe-toi de cette affaire le plus rapidement. Il ne faut surtout pas attirer l'attention de ces enfoirés d'Interpol qui nous courent après. Tu utiliseras seulement notre corps. Si tu as des questions... Oui, Monsieur Roy. Quand notre client européen doit-il arriver? Monsieur Foster, la personne qui le représente va certainement venir voir la marchandise personnellement. C'est cool, c'est la minorité juive qui a fait la question. Monsieur Foster sera arrivé, qu'est-ce que tu lui diras? Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà préparé tous les arrangements. La minorité ethnique n'a pas d'accent. Parce que je suis tout le temps. J'aimerais constater que nous faisons beaucoup d'efforts pour que notre affaire continue à marcher correctement. Alors continuez. Un super futur s'offre à nous. Nous allons être très, très, très riches. Bien. Ah, voilà. Le départ, le deux aussi. Hein. Le deux, en fait, il y a une même. C'est une espèce de shuriken avec une étoile rouge dedans. Là, il y a une alarme, puis il y a un truc tout le monde. C'est quoi l'alarme? Monsieur, il faudrait que le laboratoire se remette. C'est vraiment pas joué plus un tel cassette. Ouais. Pour parler. Ah, ben oui, voilà. C'est son intercom sur un tel cassette. Avec un. Je pense que c'est un peu plus tard. Ça, c'est des séquences tirées de d'autres films, ça coûte pas cher. Vous avez vu la belle transition? Il y avait des gars assis autour d'une table. Après ça, il y avait du monde en contre-plongée qui se donnait des coups de baguette de poule. On va vers l'univers fluo de Buffy, Bastan et Joseph Fly. Mais cette fois-ci, Joseph Fly n'est pas dans la partie. Le ninja sera foncé. Vraiment la robe entre rouge opaque et noir. Plutôt que l'orange criard et jaune même marqueur comme est habitué. Également, aucun barbeau décrivait à tout le monde de l'aide d'assassin subtil des forces en présence. Ils veulent avoir des barbeaux. Mais les barbeaux vont trahir la nationalité du ninja et même pas son emploi. Quand tout avec un E à la fin, comme qui écrit sur le travail de la cassette, est une organisation internationale qui regroupe les meilleurs éléments ninja de chacun des pays. Ouais, c'est ça l'interprétation. Ouais. Ouais. C'est quelle année? 1986. 86? Oui, c'est 7 ans, 9 ans après Star Wars. Ça donne tout le temps à réfléchir. Nous avons des problèmes importants au laboratoire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Une émeute. Nos cobayes humains se sont révélés, Quan. Et c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Ils ont su la vérité? Oui. Ils ont appris que ce travail que nous proposions au United States était un piège. Et tout de suite après, ils ont compris ce qu'on ferait d'eux. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, alors? Ne vous inquiétez pas, les mesures ont été prises. Les rebelles seront les premiers à passer sur la table. Ça, c'est du bon travail, patron. Je vous remercie, M. Brown. Mais je suis encore un peu inquiet. Si certains de ces imbéciles ont réussi à s'échapper, alors ils vont parler. Et toute notre affaire tombera à l'eau. Et nous allons intérêt à partir vite fait d'ici, M. Brown. Je sais, patron, mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas courir le risque que l'un de ces idiots soit vivant. Vous comprenez bien? Oui. Alors? Eh bien, je vais lancer mes hommes. Bien. Le plus vite possible. Oui, patron. Il n'y aura pas de problème. Je vais organiser leur recherche et d'ici quelques heures, je vous appellerai pour dire que tout est arrangé. Moi, j'adore la dynamique d'un boss de méchant qui explique son plan au complet à des sous-fifres et qui donne des ordres et qui dit si ça arrive pas, ben là. Puis même, là, on a entendu dire tantôt, c'était tu m'aimes tous, il faut pas qu'il y ait de pitié. Bruce, il appelle quelqu'un pour lui dire finalement, il y en a qui se sont sauvés, tu les tues. Fait que, il se penche ici, plus tard dans le film, à un moment donné, il réappelle son souffleur, puis il lui dit, il faudrait que tu tues tout le monde encore. Spoiler alert. S'il te plaît, est-ce qu'il y en a qui peuvent vivre une trois? Jusqu'à temps qu'elle se rappelle. Ouais, c'est ça. On a posé un petit pause ici. Vidéo-joueur, j'aimerais ça que. Ah, mais il y a la chanson de notre ami Marie. Tu vas pouvoir nous en parler après. Oui, la chanson qu'on devait discuter après. La 15, c'est ça, le même disque que j'ai ici. Voilà, ça s'appelle la 15 à 70%. Bye. Moi, je me trouve une cassette avec plein de chansons comme ça, des 30 ans. Hein? On entend plus ça, mettons. Et j'ai pris ça dans l'auto, puis ma fille avait quoi, avait 5-6 ans, je pense. Puis elle m'a écouté ça. Là, ma mère, j'ai dit, c'est comme, wow, c'est incroyable, chanson. Et là, ma fille me dit, c'est pas drôle, là, ça peut arriver, ça. Là, j'ai fait. Oui, monsieur Mercier. pas d'amis. Rappelle-toi le gars avec pas d'amis. C'est lui qu'il faut que tu tapes. Parce que c'est toi qui l'as fait. Le montage, est-ce que c'était vous? Ouais, ben j'ai monté en collaboration. En fait, je pense qu'il y en a deux sur YouTube. Mais moi, j'en ai vu juste seul, peut-être qu'il m'avait un autre en cherchant la place. Puis j'ai trouvé qu'il y avait pas de bon moment là-dessus. C'est qui est, ben, c'est sûr avec le guitar cordial de Bébé, qui se lance une tour. C'est mon portrait de Bébé. Ben, c'est ça. Le deuxième est plus limité, en fait, celui est un peu. Le personnage, j'ai beaucoup passé dans le step dans un groupe qui a duré par contre. Ben, ben, ben, c'est quand je chante tout le tout, on a le droit d'être vu. Ah, oui! Ah, tu pensais avec dans 0340. C'est la relève qui vous colle. C'est ça, ça me met. Parlant d'aller voir des shows, est-ce que tu veux nous faire l'honneur et le privilège de venir voir le film de ce soir avec nous autres? On en vient de tabarnak! Non, c'est correct, parce que c'est au début le meilleur quand le film n'a pas commencé. C'est vrai. Ça

Thank you. partie du film. Là. Hey, Monsieur Tang! Monsieur Tang! Vous me remettez? Inspecteur Kahn? Ouais! Vous êtes plutôt ici? Ouais! Ah, on va faire du bon boulot ensemble. Ah, super! Je savais que vous dirigez ça. Vous aussi, on est content de travailler avec vous. Oh, Monsieur Tong, vous êtes très connu. C'est un honneur de travailler avec vous. Vous avez une grosse réputation. Mais sur quoi travaillez-vous? Bon, je peux rien dire. Je suis sur une histoire de gang. Hein, Hung? Ne demande pas. C'est confidentiel. Ce n'est pas un jeu. Il y a des règles à observer. Monsieur Tong, salut. Ah, Monsieur Marc. Et ils travaillent avec nous. Ils arrivent. Bonjour. On ne s'amuse pas ici. On travaille d'arrache-pied, c'est tout. On n'a pas le temps de s'amuser. Monsieur Tang permet des choses, mais pas moi. Si vous travaillez avec moi, il faudra être sérieux. Souvenez-vous bien de tout ça. Allez. On dirait les poules. Laisse tomber, ça sert à rien. Monsieur Tang, il est normal. Et parce qu'il a travaillé dans la marée. Pas bien, ce type. Drôle de façon de commencer. Oh, mais il n'est pas méchant. Allez, faites de votre mieux et ça ira. Croyez-moi. Bien, vous êtes quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Tong, j'ai confiance en vous. Merci. Allez donc boire un café. Moi, j'ai un coup de fil à donner, d'accord? Salut. Écoutez pas la transition. Et puis, la séquence qui est juste après, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'autre date, on était à 17 minutes 40 en fait à l'intérieur de Clash of the Ninja. Et ce sont des séquences qui viennent de Challenge of the Ninja qu'on avait déjà écouté au brouhaha ici avec vous autres. L'entraînement de Bazaar de Ninja, je vais leur parler un petit peu tantôt. Oui, je voulais un club de fans. J'ai fait, c'est une autre bonnie, amie qui était à la radio étudiante qui faisait de la musique sur l'âge du midi. Pour vous mettre en situation parce que vous ne cacherez pas. Salut Zelle, comment ça fait dans ton coin de monde? Moi, c'est pire, je suis en fait, c'est pas. J'ai pas de raison de partir avec un bébé. Je sors un objet qui ressemble à une patte de chaise en bois, c'est vernis. C'est comme un pion pour les jeux d'échecs, mais un pion vraiment plus gros et plus long. Yeah. étoiles est un baptême qui habite et qui réunit à des cadres communistes qui vont prier à l'Église. Comme par exemple, en attendant des féministes avant l'Église, à nous prôner les mentalités marxistes, féministes, intellectuelles. Je t'en ai regardé, il y a plus de travailler dans l'armée. C'est pas d'autre. Comme une théorie de l'art en somme. Ça n'est jamais dit en somme. Ça fait longtemps que c'est la mentalité qui a fait une toute cette économie. Lundi 15 janvier 2010, c'est l'épisode 91 de Dans ta bulle, l'émission bande dessinée sur les ondes de chaque FM. En ce lundi de février et de janvier, comme je le disais tout à l'heure, Christophe est parti en vacances au Mexique. On va donc passer bonne nuit, mais moi, Julie, je suis toujours là. Et je ne suis pas seule, je suis avec Pierre Morel et Stéphane Noël, des auteurs belges et français, qui ont bravé l'avion pour venir jusqu'au Québec.